pire qu'un électrochoc, je t'assure. Quand je prends truc en pleine poire, quand on m'annonce cette mauvaise nouvelle que je peux à peine croire. Non, c'est pas possible, putain, pas Loïc. En plus, entre nous, on blague jamais là-dessus, c'est la Loïc. Je prends direct un taxi, et lui explique qu'il faut qu'il se mine. Hier encore, on criait tous, the world is mine. Des flashs à graisse maritime. Mais reviens dans 10 piges, tellement de mic, on sera quand des blagues. Quand je pense à tous ces rêves qu'on piétine, la vie me semble injuste, et rien de plus. Le mal demeure, j'ai comme le mal de mer devant la porte, mon égal se meurt. Et quand je la pousse, putain, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça part d'une bagatelle, une broutille. Une embrou qui explose comme une grenade qu'on dégoupille. Un gars m'appelle, un gars trapu et sa troupe. Une vingtaine de crapules qui s'attroupent. Le plus costaud s'avance et me loupe. Bien réagi. Un couteau qui se lance me coupe. Et le black alors réagit. Le reste n'est pas un scoop, même pour PPDA. C'est comme dans le clip de Snoop et je me retrouve en réa. Putain, Renoir, pourquoi il a fallu que ça t'arrive? C'est trop injuste. Renoir, c'est toujours la même zig. Le vice pousse l'homme à faire l'amnésique. Et l'amnésie, plus à haïr le corps pour l'amnésie. Zagué aux frontières de l'au-delà. Des coups de tête, leur rendrait le mal au coup près. Avec une hache, je les punirais, je les couperais. Ce sera la violence par la violence et le feu par le feu. C'est vrai que le sage qui est en moi, aujourd'hui parle peu. Ouais, ici la violence ne respecte que la vengeance et lui fait allégeance. Mais qui a les chances de survivre lorsque, comme des parias, les gens se tuent. Fredo, le pire, c'est qu'avec le temps, trop de nos frères s'y habituent. Même si c'est aussi injuste que l'OTAN ou un prêtre qui en habitue. Malheureusement, l'injustice reste à l'antipode de la logique. Fauchant tes potes d'une balle et le sang comme de logique. Et là, le temps s'arrête, aussi j'avais pu. Les larmes laissent transparaître les plus jamais plus. Et si j'avais su, si j'avais su, si j'avais pu. Maintenant il est trop tard. Je peux plus avancer et je peux plus reculer. Seigneur dans le jeu, un frère en nique un autre à chaque crise d'honneur. S'ils perdent la foi, donne leur, car ici les balles fusent à chaque crise de nerf. L'éducation est l'issue quand au nom du style les frères du petit lait. Dis-lui leur délit dans des boissons distillées qu'ils boivent comme du petit lait. Fredo, faut qu'on montre l'exemple aux frères, faut qu'on soucie d'eux. Que notre savoir les âmes pour la guerre et non pour le suicide. Ça on le sait tous, on dit que c'est le bien qu'on veut, mais est-ce qu'on le fait tous? Si nous nous décimons, c'est nous qui décidons, comme des parents face à leur fœtus. Je serais peut-être mort mais pas défaitiste, car il en faut plus pour m'avoir. Les yeux fermés je peux mieux voir, et comprendre comme un vétéran. Que l'âge de guerre est mis sous terre et qu'on perd tout sans la déterrant. Là, merde. Attends.